assalamualaikum bolomi man may abdoulaye diouf man may chargé de programme et gestionnaire du centre Jacques Chirac de Thiaroy may ganou amadou sadif tal ci émission eutu sud waxtan nañ ci nak mbir yu am solo ci affaire drogue bi amna yu bari yo xamné waxtan nañ ci nak la drogue bi tollu jamono ji fu mu tollu ci sénégal nak lañ koy xexé lan mo ci problème yoy yeb waxtané nañ ko ci may invité sénégalais yeb ñu déglu ñu samedi à 11h. Jeuf mbok auditeur Sud FM sen radio ñu am bekté ñu ak fi ci sen émission Auto Sud tay nak ñuy waxtane li nga xamanteni lu lembé aduna waye dafa melni nak mu ngi bëgg sax ci suñu réew mi mu jëm ci walu drogue bës bu né légui wala semaine bu nek sax nga dégg ni japp nañu ki nga xamanteni da doon def drogue wala diko jama jaay wala diko trafiquer lool mom ci tuñu ragné ci ligue sax jigéen ñi nga xamanteni ñom dañ ci yëngu bu baax baax tax dañu japp ni alal ju bari mo ci nek bo ci ragn rëccé rek li nga xamanteni moy sa jafé jafé aduna mën nañ wax ni lu ci bare bare dina safaro motax tay ñon di waxtaan bi and ci ak Abdoulaye Diouf mi nga xamanteni mom sociologue la nek gestionnaire centre Jacques Chirac bu Thiaroy nek tamit chargé de programme ngir ñu waxtaan ci bax mom ci lay yëngu ci xex drogue bi ak li nga xamanteni dal moy njabot gi nak lañ leen wara yaraté ak tamit kilifa yi nak lañ war xolaté sen taxaway jëm ci walu wowo ñu gërem ko bax ci tawam fi kon Abdoulaye Diouf dama bëgg ñu ñëkke d'abord li nga xamanteni moy situation bala ñu sax ci genre sax situation gis nañ légui chaque mois pratiquement gouvernement bi day organiser cérémonie ngir tal li nga xamanteni mom lañ japp do tok semaine dego japp nañu drogue muy yi meun yambaay ak yoy ak walu drogue dure ci rew dafa melni legui buntu bu ubbe ko bu gëna yaatu la waaw defena lolou mom jarul sax nga nek spécialiste drogue pour meuna constater lolou gis nañ ni suñu rew effectivement bu jëk ba da nga dan deug tay ñu am saisie bala nga koy deggat da dan yag mais aussi quantité yi ñi saisir legui gëna bari donc tay drogue problème la bo xamné c'est vraiment au quotidien le ko sénégalais di vivre c'est une réalité qui est là ken mënatu ko ignorer c'est un phénomène maintenant qui a fini de s'installer dans notre pays en termes de production en termes de trafic on était un pays de transit pour certains produits humaine héroïne humaine cocaïne mais aujourd'hui on est devenu un pays de très grande consommation de ces produits là et sur le terrain bo demain tu rencontres beaucoup de gens qui sont vraiment des usagers de ces produits là ay doomi rew mi effectivement parce que ñi dañuy wax ni non ñoñu dekk ñi rew ci rew mi effectivement ci rew mi lañ dekk si tu vas dans les quartiers il y a beaucoup d'usagers yo xamné ay usagers héroïne lañu ay usagers cocaïne lañu dafa na né si on se permet de dire que effectivement dekk ñu ci rew mi c'est parce que effectivement on veut se voiler la face mais la réalité c'est que il y a effectivement des usagers qui sont là qui sont des sénégalais et qui n'ont pas besoin d'être riches pour pouvoir consommer ces produits là c'est des gens très modestes qui sont dans les quartiers qui consomme ces produits là. Wa dañu gis ni dañu wax ni yenn drogue yi sax dafa nek drogue badolo. Dañ doon wax non waye li def mel drogue yi ndor wax drogue borom barke yi dafa commencer yaatu. Wa xam nga trafiquant ñom dañu yor sen ay pexé. Li leen intéressé ñom moy ñu écouler sen ay produits et pexé buñu mëna lal pour écouler sen produits dañ ko lal. Ce qui fait que boy sétlu nañ ni effectivement ca ñël ben ñi am xaaliss rek ñoko daan consommer mais ñom gis nañ ni buñ daan yem ci ñi am xaaliss rek duñu mëna écouler produit bi ni mu waré. Motax tay fexé nañu bay lal ay pexé yo xamné même ko xamné tu es dans une situation sociale très modeste mën nga am produit bi mën ko consommer. Et c'est ça aujourd'hui la réalité sur le terrain. C'est-à-dire que pa bi ak yoyu di nga xamne mom la dose bi ñi consommer c'est pas cher mais non avec 3000 francs avec 1500 tu peux au moins avoir quelque chose bo xamne tu peux consommer sur en tout cas une période d'une journée ou d'une demi-journée et à force de démultiplier ça les gens deviennent des accros et ils sont obligés de se battre et de tout faire pour trouver l'argent bi nga xamne mo leen di permettre ñu consommer ko lolu motax li ci upp consommation d'héroïne c'est très lié à la délinquance c'est très lié un certain nombre de comportements yi nga xamné c'est malsain parce que effectivement dépendance bu forte lay créer et que dépendance bobu bu xassé bi installé wu le toxicomane il fait tout pour trouver l'argent pour aller chercher ce produit là et il fait tout pour avoir ce produit là par tous les moyens et parfois moy indi yene dérivés bari nga xamné moy am ci bir quartier wa ba tay ci suñu réew mi gis nañ ni dañ doon wax ni sax li nga xamanteni moy zone urbaine peut-être mo mo tane won ba légui sax bo démé ci kaw gi mbir mi commencé na fa duggu ba xawa waaw ci kaw gi duggu na fa peut-être sax ci kaw gi yamba bi mo ci gëna duggu parce xam nga li ci ëpp ci kaw gi lañuy bayé yamba bi diko indi fi Dakar mais li ci ëpp tam tay bo démé ci kaw gi consommation bi installé wu na ndax aujourd'hui désœuvrement bi nga xamné ak angoisse bi ak pression bi nga xamné ci jeune ville bi lañ daan gëna am aujourd'hui dem na be installé wu ci kaw gi et la plupart du temps les gens ne trouvent comme réponse à ces phénomènes là que la consommation des drogues parce qu'ils ont envie de s'échapper de ces problématiques là ils ont envie de en tout cas d'oublier un peu parce que aujourd'hui même ci kaw gi situation mi tarna be tollu fo xamné jeune yi ñinga fa dans le désœuvrement dans l'angoisse dans la pression et que ces jeunes là la plupart du temps ils se réfugient derrière la consommation des drogues parce que la solidarité bi amone ci kaw ga pour culture bi nga xamné mo daan permettre may bi mo daan permettre ñi ñu am ay ressources yoy yëm mu ngi yaqku ci kaw ga ce qui fait que c'est des jeunes qui pour la part du temps se souhaitent venir vers la ville et que ñi nga xamné mënu ñu ñëw vers la ville ils sont dans des situations très difficiles fofu ci kaw ga et que par conséquent de plus en plus consommation de drogue bi moy donne réponse bi nga xamné moy en tout cas bi ñi apporter par rapport à l'oisiveté par rapport à la situation de désœuvrement bo xamné mom lañu nekk fofu ci kaw ga wa légui bu ñëwé ci milieu urbain xam nañ ñun wax ni banlieue bi fa la drogue yi bon de manière caricaturale dañu nan drogue yi ci banlieue bi lañu nekk ak affaire yoy mais dafa melni tendance dafa inversé wu mënuma wax sax ni dafa inversé wu c'est-à-dire que aujourd'hui quartier yépp am phénomène bi c'est-à-dire aujourd'hui aucun quartier n'est épargné ku nekk da ngay défené yow sa quartier mo gëna am ay pratique yoyu alors qu'en réalité quartier yépp ko am so xolé tranquillement bo xolé en profondeur ci quartier yi nek Dakar quartier yi nek Pikine quartier yi nek Rufus quartier yi nek partout dans le pays tu te rends compte que effectivement il y a en tout cas un développement de la consommation maintenant c'est vrai que façon produit ni utiliser des variés d'un quartier à l'autre en fonction de opulence bi en fonction de situation sociale bi en fonction aussi de parcours ñi nga xamné ñoy usager yi mais sinon consommation produit toxicomaniaque mom développé na partout dans le pays donc surtout nak en zone urbaine que ce soit à Dakar tous les quartiers connaissent ce problème là donc aujourd'hui ko xol quartier day nan man sama quartier mo raw parce que effectivement quartier la xaw la xam mais quartier yep aujourd'hui ñoo am problème bobu kon mu and ci kon li nan insécurité kon dafa melni consommation drogue ak insécurité mom il faut ñu and rek waaw dana and parce que d'abord en termes de trafic il faut que nous am insécurité j'ai bien aimé ben président bi ñi def ci sen débat bi au niveau de la sécurité fi en zone fi sécurité bi ñi def fi récemment au Dakar qui disait que c'est dans l'insécurité que les djihadistes trouvent la sécurité mais c'est la même chose aussi pour la consommation des drogues et le trafic fu am zone bo xamné amna insécurité zone bo xamné nit ñi ñëmé wuñu fa trop ñom fofu lañuy gëna mëne installé wu parce que day tax bé surveillance bi war ci ñom du am c'est-à-dire ils vivent dans une situation bo xamné on peut pas les contrôler et si on peut pas les contrôler c'est plus facile pour eux de faire le travail je vais te donner un exemple par exemple bo démé ci dans la banlieue zone inondée yi nga xamné kër yi nga xamné nit ñi abandonné nañ leen dem ci yenen parce que effectivement mënatuñ fa dëkk les trafiquants se sont installés dans ces quartiers là parce que effectivement police pour mu accéder fofu day difficile ci mom parce que yoon yi baxul parce que bala muy déplacer ou bay accès fofu du mëna dem ak auto buñu jëlé sen tank di dem ñu signaler nen ni police nga ñëw bu police démé fofu du fa fekk kenn donc c'est des zones vraiment propices et c'est un terreau très fécond pour l'installation de ces trafiquants là et par conséquent développement consommation bi da fay am parce que fu am trafiquant rek dañuy fexé ñu ñi amé ay clients pour mëna len jaay et bo len jaayé il faut que jeuni effectivement ñi mëna consommer ma fatali yéne dégg sen émission auto studio dalalté Abdoulaye Diouf nek gestionnaire centre Jacques Chirac bu Thiaray dañu gis ni kon fu finalement ci ñu rew yi ak problème yu buñu nemeku ci bande sahélienne bi li nga xamanteni moy problème terrorisme bi danaka drogue bi nenañu moko gëna may doolé affaire naka la suñu mëna waxé ni do sagan wala gaay dañu am doolé trop man yak amna lo xamne lu am solo la parce que nit ñangi annoncé mais je pense les études plus approfondies et pour ñu mëna tek lien bi entre développement terrorisme bi lien bi mu am ak trafic drogue bi mais logiquement effectivement amna lien parce que xaliss bi ñi jëlé ci trafic drogue bi mëna alimenter mëna financer comme aussi terrorisme bi niñ ko installer fofu dotul am zone yoyu parce que police bi ak service de sécurité nga xam mo nek pour contrôler pour empêcher trafic bi donc logiquement mën nañu wax ni bobu amna mais je suis de ceux qui pensent que mo ay données yo xamné scientifique la yu woné ni effectivement amna mais effectivement le kelo bobu amna par exemple normal gis nañ avion bu fu waccion rek don wacc fa drogue lol mais est-ce que maintenant jay drogue bobu est-ce que du mom mo indi terrorisme bi wala est-ce que terrorisme bi mo fa indi jay drogue bi kan mo précédé kan ban lien lañu am je pense que aujourd'hui il faudrait que suñu état yi ñu mën di en tout cas baña yem rek ñu ko waxé ñom renforcer force musulman bi c'est bon di tuba bi di ñu dimbali en tout cas dégager terrorisme mais faut ñu mëna jangat situation lan moko tax mu installer je pense que ay étude la yo xamné mënon nañ ko def avec les forces armées qui ont des personnes très compétentes pour étude yoyu amuñu ki amuñu je veux dire jumtuway voilà je pense qu'il faudrait que ñu out jumtuway yoy lekkelo ak rew tuba bi pour ñu mëna def yoy étude dama gëm ni buñu amone en tout cas possibilité def étude yoyu dana mëna apporter ay réponses yu gëna adéquates par rapport ak problème bi c'est bien de dire way nañu jël armée bi mais il faut ñu am ay étude yi ñu jox ay données yo xamné dañ ci mëna soukandiko c'est pas trop tard lo je pense moi je pense que meun nañ def recherche action dans l'action ñu def ay recherche yo xamné dañu permettre ñu am ay données yo xamné dañu permettre vraiment ñu mëna am une vision plus claire ñu am gis bu gëna lèr ci situation bi parce que aujourd'hui ñu ngi nane li la ñu ngi nane li la ñu ngi nane lélé la mais je pense aujourd'hui il faut des études par rapport à la situation bi pour nous permettre effectivement pour nous permettre effectivement ñu mëna xam situation bi exactement et que buñu ko xamé je pense que réponse yi ci lay gën adéquate mais bon sinon ci ay opinion lañuy fondé wu ci ay données yo xamné c'est pas très fin ci lañuy fondé wu peut-être que mën nañ gën yagal intervention bi et que réponse adéquate bi bala ñukoy gis mu ngi melni ku nekk ci neeg bu lendam ngay lambatu rek be daj buntu bi mën na yag mën na gaaw gis nañ ampleur bi yokuna muy ci pays sous région bi yépp pratiquement am le yokuna est ce que legui taxaw dina dama def recherche action nekul lo xamanteni non duñu taxaw c'est dans l'action qu'ils vont faire la recherche et je pense que ça c'est important c'est possible de le faire parce que ñi nga xamne tam nañ di def ay études ak yoy ils savent que dans l'action on peut faire la recherche donc je pense que ce serait important ñu def ko mais aujourd'hui dafa am ay urgence dañuy régler urgence yoy tout en l'accompagnant avec des gens yo xamne dañuy and ak ñom pour gëna gistu pour gëna jeex lan moy problème bi réellement ban lien mo am ak ban lien bi lan ak lan la est-ce que pauvreté bi la est-ce que contre trafic drogue bi la lan exactement dans ces zones là pour ñu mëne apporter réponse adéquate sinon dañ yagg té je pense pas que dañ trouver solution mais wala bala ñu trouver solution bi dañ yagg xam nañ ni aussi abla ci lolu afrique amna dividende démographique manam ndaw yi ci afrique yu amagul sax ñaar fukki atam juroom ëpp nañu xaj population africaine wala ñu nane 60% sax té ñooñu pratiquement dañ ñi ciblé gis nañ xex dañ ñen ñi nane dañuy xex contre tabac mais jeune yi tar ñu ci gëna dem est-ce que combat bi nekul lo xamanteni aussi war nañ ko changer par rapport à dividende démographique bi parce que est-ce que l'Afrique n'est pas nekul lo xamanteni afrique day gëna exposé wu ci mbir mi afrique dana gën exposé wu tant que mënu ñu gérer population bobu c'est-à-dire population jeune bi tant que suñu nguur yi amuñu proposition yo xamné mën nañ ko apporter les jeunes yoyu. Je pense que effectivement jeunes dañuy vulnérable, jeunes dañuy exposé et dañuy yomba feul. Bonne réponse par exemple, nous avons éducation, sur le plan éducation, et sur le plan éducation, je pense qu'aujourd'hui il faudrait que nous changions. Parce que nous bañu nek école, suñu magi bañu nek, suñu papi bañu nek, danaka c'est la même proposition qu'on fait aux jeunes. Da ngay dougu école, def enseignement général, bo amé diplôme après, tu n'es même pas qualifié pour mener liguey. Aujourd'hui, de plus en plus jeunes ils trouvent pas d'emploi. Et que aujourd'hui de plus en plus dundigi jafena. Donc bo conjugué ñaar yoy jeune pour ñu réussir ci école c'est très difficile, bu ñu réussiré de Paris ils parviennent pas à trouver un emploi, et que aujourd'hui même s'ils trouvent pas un emploi dundigi jafena ci ñom, solidarité bi wagné ko na ci bir famille bi, solidarité bi wagné ko na ci bir quartier bi, ce qui fait que jeune yoy vraiment dañuy exposé wu suñu exposé wu nonu. Donc lu len devier day yomb, c'est-à-dire tout de suite quelqu'un vient leur proposer, leur faire une proposition bo xamné da len di xoy rek sans mu doon sax une réalité, mais dañ ci and parce que pensant que parce que yakarne di yakarni voilà dina sen souci yi voilà parce que bo xeyé tok sen buntu keur amon lo ndeké wala cin bi takul ci keur gi souci yoy rek c'est ça lolu xëc day yomb et par conséquent lolu moy xëc ci jeune yi. Donc aujourd'hui il faudrait que suñu état yi ñu am capacité de se mettre la réalité en face, c'est-à-dire ñu assumer nit ñi assumé moy ñu xolaat nit ñi éduquer nit ñi, ñu xolaat nit ñi jàngalé nit ñi, ñu xolaat système enseignement bi, système formation professionnelle bi, et je pense que lolu c'est important. Les gens avaient mis ici des beaucoup de structures yi nga xamné nénañu pour la réinsertion des jeunes, mais bo xolé be xol l'emploi des jeunes, mais bo xolé be xol yu projet yu bari yo xamné financer nañ len dañu souf, c'est dire projet réussir ñu l'état réussir ñu, il faut ñu jangat ko, mais aujourd'hui ken jangat ko ken de full évaluation. Je pense qu'il faut des évaluations. On a fi at du temps de wad anege FPJ ak yenen yo xamanteni regrouper lutax ñu regrouper, est-ce que dañu def évaluation pour woné ni il fallait que ñu regrouper ko naka lañ dan financer ñi financer fuñu mujjé, qu'est-ce que ces projets là sont devenus, parce que depuis wad nek fi be mu joggé fi bu doon projet ñi financer yeb réussiron na, kon y a une bonne partie des jeunes qu'on aurait réinséré. Qu'est-ce que ces jeunes là sont devenus ñi joxone projet, comment on faisait la sélection, comment ces jeunes là étaient en tout cas financés, est-ce que ñu ngi doon rembourser, parce que c'était des projets yo xamné dañ leen ko dan jox pour ñu rembourser, parce que remboursement bob moy permettre ñeneen di ci mëna bénéficier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut lolu yeb ñu jangat ko, pas pour sanctionner des gens mais pour corriger, et que tant que corriger wuñu ko, tant que changer wuñu approche bi dans la formation, parce que je pense que ces jeunes là il faut une formation professionnelle, c'est important. Faut y am qualification. Voilà. Il faut que les jeunes soient qualifiés. Aujourd'hui si tu vas dans les quartiers nga né dama bëgg outal jeune yi liguey li ci ëpp do gis jeune yu qualifiés da ngay gis jeune yo xamni dafa yar ci réew mi, voilà ñi dañuy am BFM, ñi am bac, ñi am yenn diplôme, mais c'est pas des diplômes qui permettent d'accéder à un emploi. Je pense aujourd'hui yoyep il faut que nous changer wat ko, il faut que nous changer wat bon dividende démographique bi manam ndaw ñi ni ñu tollu ci lim nek na lo xamanteni benen préoccupation ñu war ko intégrer ci bir bi ci politique bi ci xex drogue bi ak ci politique nationale bi. Je pense que bo beugé régler problème drogue bi c'est pas quelque chose qu'on peut régler comme ça avec le seul ministère de l'intérieur. Du policier rek non du policier rek c'est ñepp la, parce que c'est toute une chaîne. Lu ci raté rek mëna indi problème, c'est même pas évident. Police bu tégon devant la porte de chaque sénégalais policier, c'est pas évident ñu mëna régler problème, parce que buñu jëlul produit buñu interdit mëna ñu jël produit buñu autorisé pour s'évader. Absolument. Donc je pense qu'il y a toute une politique sociale, il y a toute une politique scolaire, il y a toute une politique professionnelle, il y a toute une politique éducative yo xamné war nañ ko tégg pour régler ce problème là. Mais aujourd'hui ku nekk day jog di wax, ku nekk di wax sans pour autant que les gens prennent le temps de réfléchir en profondeur. C'est-à-dire aujourd'hui le mal de la lutte contre les drogues au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de réflexion en profondeur. Les gens ont une réflexion superficielle, règle ni def dadi décide de commencer de réaliser et y faire. Mais je pense aujourd'hui il faut que mu am ay assises même de la lutte contre les drogues, je pense. Oui, pourquoi ne pas avoir, il y a pas de plan direct, de plan directeur au Sénégal de lutte contre les drogues. Ah bon? Oui, il y en a pas. Ah, malgré l'infidèle qui bruit. Oui, il y a pas un plan directeur. ban le kelo mo am entre service de répression, service de prévention et service médical. Un comité interministériel de lutte. Oui, mais malheureusement, c'est un comité qui n'a pas beaucoup de moyens pour fonctionner, malgré toute la volonté que les gens ont au niveau de ce comité-là. Je connais des gens qui sont là-bas, qui passent tout leur temps à, en tout cas, se décarcasser pour, en tout cas, essayer de faire quelque chose, mais ils n'ont pas amouni moyens, amouni plan stratégique, amouni, en tout cas, pour... Amouni dans l'union de l'église. Voilà, amouni l'union de l'église. Par conséquent, je ne pense pas que de l'union de bouger l'affaire. Mais l'église, il y a une bonne réponse, par exemple, qui est proposée au niveau du centre Jacques Chirac, le Tiare. Il y a une qui est dans l'église. Wow, mais une réponse qui est proposée, moi j'ai l'impression même que c'est une goutte d'eau dans la mer. Parce que ce que nous, on pense, c'est qu'il faut aujourd'hui une réponse de proximité. Madame, tu es une population, tu es une population, capacité pour nous faire sen bop li nga xamné moy drogue bi, parce que problème drogue bi, ça ne se passe pas dans les ministères, ça ne se passe pas dans les commissariats de police, ça ne se passe nulle part sauf dans les quartiers et dans les maisons. Si ça se passe dans les quartiers et dans les maisons, il faut aller dans les quartiers et dans les maisons. Mais pourtant il y a des lolu, mais oui, depuis 20 ans alors kay won ngeen ci am ay résultats probants. Am nañ ci ay résultats, amuñu ci ay résultats. Li tax amuñu ci résultats moy lekkelo bi nga xamné mo warona am au plan national, parce que ben réponse rek mënul doy. Il faut en tout cas mu am le colo au plan national. Dama bok ci ñi gëm ni, c'est mon avis. Aujourd'hui, tant que changer wuñu approche biñu def, tant que changer wuñu gis biñu am ci lutte contre les drogues bi, on peut pas réussir. Pour man, le seul maître mot qui doit exister dans la lutte contre les drogues, et dans la prévention, il y a beaucoup d'acteurs. Parce que pour man li ma tuddé prévention, il faut mettre en place un ensemble de stratégies qu'on va articuler dans un programme national pour prévenir des risques. Et face à la drogue, pour man, il y a trois risques. Trois populations yo xamné ñom ñoo am risque bi. Ñi nga xamné duguñ ci, ñu am risque dugu ci. Ñi nga xamné dugu nañ ci, ñu am risque mu am problème de santé, problème de comportement, problème yu bari yo xamné mën nañ ko indil sen bop, indil ko sen famille, indil ko société bi, ak ñi nga xamné dugu nañ ci be bayyi, ñu am risque ñu rechuté. Ñoñu ñep ay acteurs ñu wara intervenir ci mom. Parmi lesquels acteurs? Acteurs sociaux, acteurs communautaires, acteurs de la santé, acteurs de la répression. Donc tous ces acteurs-là, ce n'est pas des domaines qu'il faut leur sortir. C'est des acteurs qui doivent intervenir pour prévenir l'ensemble de ces risques-là. Et pour chaque population, il y a un risque, il y a des acteurs qui doivent intervenir. Dans ce cas, la répression serait un outil pour empêcher la disponibilité du produit. Mais dafa melni nak ci li ngay wax nonou police rek mo ci feñ ak gendarmerie. Waaw. Yeneen acteur yépp dafa melni feñu. Motax manela amul articulation bi war quel que soit ni police gendarmerie dañu son ñom tamit amna yeneen tâche ñu war def. Mais c'est ça. Motax mënuñu régler problème bi. Ñom rek mënuñu régler problème bi. Aujourd'hui, parce que aujourd'hui li am moy gaay dañu wax ni trépied mo am dans la lutte contre le, il y a la prévention, il y a la répression, il y a le traitement. Alors que pour man yoy yépp ben régler prévention. Mais c'est des acteurs qui peuvent intervenir pour prévenir quelque chose. Moi, il risque qu'il m'a wax ni. Si chacun se considérait comme quelqu'un qui travaille pour réduire ce risque-là, il y aurait une plus de coordination et plus de synergie entre les acteurs. Parce que man sans directeur Boboba, demain, je suis allé à la police pour mener les... C'est pas le cas actuellement, Dal. On a essayé de le faire, nous, à Djibde Tiarekou, par exemple. Dans les quartiers, on a essayé aux HLM, on a essayé à Djibde Tiarekou. Et on va un peu essayer ça à Biscuiterie. Ce qu'on essaie de faire, on met en place des coalitions communautaires anti-drogue. C'est des structures en place dans les quartiers où toutes les forces vives du quartier vont se donner la main pour essayer de faire face à ce problème-là. Et on a divisé la population en 13 communautés, en 13 secteurs. 13 secteurs, moi, 4 communes de commune Bounek. Non. Secteurie, c'est des compétences. On prend les éducateurs. On prend les Badianougour qui représentent les parents. On prend les forces de sécurité et la justice. On prend les ONG, associations de lutte contre les drogues. On prend les groupements de femmes. On prend les délégués de quartier. On prend les imams. En tout cas, force de Yoyeb Bemoumat 13. On prend les personnes ressources qui sont dans les quartiers, qui vont se coaliser, qui vont discuter, qui vont mettre en place des plans directeurs, qui vont en tout cas faire ce qu'on a appelé le diagnostic communautaire pour voir quel est le problème dans le quartier. Et après qu'ils aient sorti tous les problèmes dans les quartiers, ils vont sont priorisés. Ils vont dire. C'est devenu un point chaud du trafic. Oui, comme tous les quartiers. Je pense que c'est comme tous les quartiers. HLM, caricaturé, mais c'est ça aussi qu'il faut éviter. Parce que je pense que dans ce que nous sommes en train de faire, dans les recherches que nous faisons, dans le travail que nous faisons, il faut surtout éviter de stigmatiser les quartiers. Parce que pour moi, quartier yep tay doone pikil non quartier yep a un problème. Moi j'habite le plateau, mais je sais qu'il y a des problèmes de toxicomanie dans ce plateau là. Da ngay dox ci bir koñi di xéñtu ay boy yo xamna da ngay romanté ñom ñu tux yamba da ngay romanté ak boy gis ñu yor bouteille sangara yoy di ko naan da ngay dugg ci bir koñi nga gis bouteille sangara yoy ñukoy sanni partout ci bir koñi bo démé HLM fekk fa la même chose, bo démé Thiaro yi fekk fa la même chose, bo démé fenen fekk fa la. C'est vrai que amna ay degré, mais tous les quartiers connaissent ce problème-là. Il faut que les problèmes se règlent au niveau des quartiers. État bi dafa am rôle bi muy jouer, police bi am rôle bi muy jouer, ONG yi am rôle bi ñuy jouer, quartier bi aussi am rôle bi muy jouer. Mais quartier bi légui kan nga yaakar ni wax nga bañena gox ak ñom ñep, mais leader d'opinion bu mëna tax ba ñu rus ko sax pour lolu bëna am xanka imam yi peut-être. Man gëm na né imam yi am nañu rôle bu am solo bo xamné mën nañ ko def. Parce que pour man, il suffit pas que ñu jox xalé yi information ni rek après ñu bayé len ak information bi. Dama gëm ni xex drogue bi éducation la. C'est-à-dire c'est un travail à long terme. C'est un travail de changement de comportement. Et que pour man, religion bi rôle bi nga xamné mën nako ci jouer day jangal nit ñi délo ci wat sen xel pour que nit ñi comprendre ni ñom mission mo leen indi fi ci souf ci. Mission. Ñoo ñu fi pour yak sen bop. Dañu ñew pour défar sen bop. Parce que après le péché originel, Yalla daf ñu fi waccé pour ñu défar waat, pour ñu repentirou. Donc bu ñu jëlé xalé yi di leen jangal lolu, dañu xam ni ñew ñu fi pour yak sen bop. Dafa am lu leen fi indi, il faut nit ñi xam lan mo leen fi indi ci souf. Defé na bu nit ñi démé ba xam li leen fi indi ci souf, dañu mëna am yu bari yo xamné dañu ko moytu. Dañu xam ni def lu bon indi wu leen fi ci souf. Donc lu bax motax ñom ñu ñew fi ci souf parce que dañu ñew pour racheter wu ku ñew na pour racheter wu ngay yok mbon gi defé na né bo dello dang. Donc yoyu bokk na ci discours yi nga xamné il faut ñu tenir ko ci xalé yi, mais ça c'est toute une éducation. Il y a aussi les médecins qui peuvent intervenir pour wax xalé yi exactement. Je pense que buñu combiner, parce que ñun loolu lañuy tenter def ci bir quartier, buñu combiner waxu imam bi ñu combiner waxu médecin bi qui est là pour apprendre aux jeunes que effectivement li boko jëlé sur le plan sanitaire, sur le plan de li ak li lay indi comme difficulté, li nga ci am comme problème au niveau de sa ta santé et que fi nga mën aboutir. Donc baxul ñu jël éducateur spécialisé ñu mëna wax xalé yi li nga xamné moy lu bon limu mëna indi ci famille bi, moy lu bon lu mëna indi ci société bi. Ñu jël délégué de quartier bi mom tam wax ci sécurité bi ak police, ñu wax ci sécurité bi, wax ci li nga xamné moy mbon bi affaire bi mëna indi. Lekkelo yoy yeb buñ ko jëlé ñu def un discours cohérent, xalé bi diko déglu bu nek am moment bo xamné dañ koy jox xalé bi ba mu intégrer ko. Je pense qu'à long terme mën na indi ay comportement yu baax. Mais tay je pense que ce qui est en train de se faire, c'est que à mon avis les informations ne suffisent pas sur le terrain, les informations ne se font pas au niveau de la proximité, parce que dama gëm ni approche de proximité, approche éducation, mais pas approche commune information ni rek nga dem sa yoon. C'est ça, c'est à dire il y a pas d'expert bo nga fa metti nak mo gëna metti c'est un travail de tous les jours. Et lolu dafa laaj sax papa ji ak yaay ji ñepp bokk motax don affaire quartier. Warul man si on me dit Ablaye Kay defal ñu conférence dans le quartier, si moi je viens j'anime une conférence après je m'en vais, si moi je parle de cette, c'est comme si un expert man may expert bi nga xamné c'est moi qui connais tout, c'est moi qui viens leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, alors si vous faites ça vous êtes dans la bonne voie, si vous faites pas ceci vous n'aurez pas de problème, ainsi de suite après madame sama yone. Mais discours bobu ça porte pas, parce que effectivement population bi ci sen bop ñu wara xolal sen bop problème yi ñi am, ñu xolal sen bop solution adaptée yi nga xamne ñom lañu wara def pour régler bobu problème. Évidemment il faut un temps d'accompagnement. Maintenant temps d'accompagnement bi docteur yi dañuy intervenir, policiers yi intervenir, travailleurs sociaux yi intervenir, spécialistes yi intervenir pour former population ñu am capacité defal sen bop liguey. Wa xam nga aussi ya un phénomène bi gaay di wax ni légui bo xolé lutax surtout jeune yi di dem fofu moy amatu ñu espace d'évasion. amatu ñu loisir dañ doon gis ni terrain bi da doon am ci quartier bi xali football fa wala basket fa ñom seen dañ lool sax conséquence conséquence moy par exemple xali amatu ñu fuñu foyé rek ñu jadd fofu jadd ci trop ça c'est une réalité moi je me rappelle bi may nek di def sama étude de sociologie en France on avait fait une avec mon professeur de sociologie on avait essayé il était sur une étude sur Val de Fouré oui c'est vers Mantes la Jolie wow. Alors c'est un quartier bo xamné type habitat HLM là ci immobilier quoi voilà ci immeuble lañ deuk mais les gens se sont rendu compte que plus ñu nek ci immeuble yoy les jeunes les enfants yi nga xamné juddo nañ fa be magge fa ils sont plus portés vers la consommation vers en tout cas ces pratiques là plus que ay xalé yo xamné juddo nañu ci espace yo xamné ci quartier yo xamné amna cour wala na cour man lañ ko après mbedd bi am nañu football man nañu am ay espace de loisir ak yoy ça c'est une étude qu'il a faite et il a étude B. C'est pour te dire que effectivement dans les quartiers on a besoin parfois d'un espace yo xamné xalé mën nañ fa en tout cas occupation saine et c'est ça qui nous a amené quand on a mis en place Jacques Chirac, on a dit aménager dans le centre Jacques Chirac des espaces d'occupation, ce qu'on a activité alternative d'occupation. On fait du sport, on fait culture, on fait tout ça. Parce que si ils vont à l'école, ils vont apprendre un métier. À la descente, à 17h ou à 16h, ou en tout cas les week-ends, ils viennent là-bas pour en tout cas s'amuser. Parce que nous pensons le loisir aussi fait partie de l'équilibre de l'état qui nous a amené à équilibrer. Parce que aussi, qui donne le domaine. Voilà, qui donne le domaine. L'école, tu es sous la pression, bon, et que ça atelier menuiserie, voilà, maçonnerie, voilà, ça atelier mécanique. C'est bien que bon, voyez, bon, amener dans les évadés. Oui, même ces quartiers-là, espace. Si on organise, nous avons eu le charge, problème, ils peuvent aménager, soit pour occuper sainement les jeunes. Les quartiers sont solidaires parce que les quartiers sont barricadés, ou connexes, bof, ça bof. Les coalitions installées, ils vont aller, parce que Tibir coalition à domicile, il y a des causeries qui sont. Tibir visite à domicile, c'est surtout destiné aux. Enfermés sur elles-mêmes. Les gens vont les visiter pour le quartier. On a essayé de mettre ceci en place parce que li ak li lañ ci recherché parce que ñariñ bi ak bi lañ un petit peu les amener à adhérer ci yoyu coalition. J'ai vu par exemple ci programme yi nga xamné mom la par exemple wa HLM ak waji de Thiaré kaw def ñi ni dañuy dimbali xalé yi nga xamné dañu am difficulté scolaire dañ leen di dimbali parce que amna ay étudiants yi nek ci koñ ba amna ay ñoo wala dañ leen di dimbali pour ay rang lolu bu doon coalition yi duñ ko mëna def et je pense ko xamné amna problème à l'école nga défal que problème école bobu da koy japp be nga xamné parfois mom du en tout cas il pression nga défal ko forcément be mu mëna des résultats yi bax mais bu fex les bien il a amusé il se libère mais si vraiment il fait pas de bons résultats pression des parents parce que duñ mëna moy saga do donc parce que il peut dévier et yeen am ngeen ci ay résultats yo xamanteni ci ay ñu ngeen récupérer ñu bari mais tout à fait amna ci ñu bari ño xamné ay champion du monde voilà dañ nekkone sen ay quartier don ay enfants yu difficile mais aujourd'hui on les a récupérés amna ben boy par exemple bo xamné on l'a récupéré parce que nous on le prenait c'était un gosse qui consommait on le prenait ci cadre conseil bi ci cadre conseil bi moy collectif des associations yi nga xamné ñoy soutenir enfants en difficulté biñu def les gens se sont rendus compte que c'était un gosse qui avait des problèmes avec la drogue. Après, on nous l'a donné, nous l'avons encadré, nous l'avons encadré. Un jour, je suis allé au centre, je suis grand là, je suis allé, mais bon, c'est ton gosse. Je l'ai appelé par son nom. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, attends, maintenant je travaille quoi. Il est dans un véhicule. À faire promotion les livres. Après le véhicule bi demé bi pause il est venu au centre. Je lui ai dit mais boy maintenant tu mon moi c'est vous qui m'avez récupéré et j'étais content ce jour-là. C'est important. Voilà, c'est important. C'est parce qu'il me dit effectivement après je me suis rendu compte que c'est possible quoi. C'est possible. Il faut dans ñu xolat. Il faut s'y mettre, c'est difficile. Wow. C'est vrai, mais c'est possible. Et chacun au niveau où il est, médecin yi mën nañu récupérer, travailleurs sociaux yi mën nañu récupérer, ONG yi mën nañu récupérer. Ku nek fi nga nek, on peut récupérer. Maintenant, l'autre chose c'est que il faudrait aussi mu am solidarité entre intervenants. Voilà. Si moi Sam Jack Chirac, je prends quelqu'un, je me rends compte que man li ma koy apporter comme réponse c'est pas adapté, je vais voir quelqu'un d'autre bi nga xamné réponse mo gën adapté, ma envoyer koko mom mu mëna def ligéy bi. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire intérêt client bi rek lañuy xol, buñu xol rek ñun parce que on veut une nek taxaw ci moi il m'est arrivé ma yor ay nit yo xamné parce que li ma leen di proposer man leen demal ci diw et diw li que ma la fa yonni parce que peut-être lui il va t'apporter parce que mom amna pexé bo xamné mo gëna bax ci mom. Si je reçois quelqu'un, je vois que qui ça va pas sur le plan de la santé, je lui dis eh demal séti Habib Thiam parce que mom mo meuna régler sa problème, wala mané ko demal séti wa centre psychiatrique bu Thiaroy, c'est eux qui peuvent régler ton problème. Maintenant buñu régler sa problème santé ba paré nga doga delu ci nak ñun ñu doga commencer liguey ak yow. Mais c'est comme ça, et si je le renvoie, effectivement ils sont bien reçus parce que effectivement les gens savent que c'est un travail que parfois ñun dañuy jot ño xamné ñu né diw mo mané ma ñew fi. Et ça c'est important. Ayez mon grand Dakar aussi, il y a beaucoup d'échanges que nous faisons ensemble, et ça c'est ça aussi qui est important. Absolument. C'est-à-dire nul n'a le monopole de la réponse. Mm-hmm. Et aujourd'hui il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on travaille ensemble. Mais nak li ci am solo moy il faut que ku nek ci ñun mu fort. C'est-à-dire aujourd'hui on peut pas avoir des réseaux, essayer de travailler ensemble avec des structures faibles. Bu structure yépp forté buñu blekkelé suñu doolé, doolé biñi indi moy gëpp du, mais bu des structures yu faible lañu, mais buñu lekkelé suñu doolé tam mënuñu dem, mënuñu changer dara. Ma fatalé né déglu seen émission Auto Sud ñal té Abdoulaye Diouf di gestionnaire chargé de programme bu centre Jacques Chirac bu Thiaroy. Légui Abdoulaye dama bëgg ñëw ci traitement bi, xam nga ñu bari peut-être affaire bi laal na leen, duggu nañ ci consommation bi ba conséquences yi ñim koy gis, mais traitement bi ban situation lañ ci am Sénégal? Est-ce que Sénégal c'est vrai am na ñu ubbi fani ya moy sébiya waaw ci hôpital Fane, hôpital Fane waaw, amna tam bu am ci ki ñu tudde ci Thiaroy hôpital ci carte Thiaroy, mais batay daf melni dess na waaw, mais dama bi mom dafa melni waaw, mais damay saluer quand même waaw li ñi def structure yoyu nga xamné ibina am nañu solo, parce que am nañu solo day melni bol d'air bo xamné ñew na pour vraiment dimbali ñi nga xamné moy usager drogue, parce que tu sais contexte bi tax sepia bi juddou moy dañu constater won ni dafa bari won usager drogue yo xamné dañuy utiliser seringue, mais ñoñu di utiliser seringue amon na ci ñu bari ño xamné commencé nañu am li nga xamné moy VIH bi, parce que voilà biñ defé étude bi presque ay 9.% amon nañu VIH bi. Donc les gens ont dit il faut mettre en place une structure intégrée qui permette à la fois de prévenir le VIH sida, mais aussi qui permet de dire les gens là à arrêter la consommation de drogue. C'est pourquoi je pense il faut saluer cette structure là qui est mise en place. Mais dama bok ci ñi gëm ni partie nit ñoñu nga xamné mom la affaire bi concerné, il faut aussi aller pour aller vers une des structures plus grandes et des structures plus diversifiées, parce que man gëm na ni il faut mettre en place dans les quartiers, il faut mettre en place bon, par exemple Sam Jack Chirac amko, lu melni Sopidiko amko, lu melni Jamra amko, parce que gëm na ni li dimbali vraiment toxicomanie pour ñu arrêter c'est pas des structures médicales. Waaw, c'est pas des structures médicales, parce que pour man le médical dans la prise en charge de l'usager de drogue c'est une intervention d'urgence, c'est-à-dire moment bi nga xamné amna problème de santé ñu intervenir pour régler yoyu problème de santé, mais accompagnement bi à long terme c'est fait par d'autres personnes ñu dul ay médecins, sauf si le médecin enlève sa blouse de médecin pour mëna accompagner toxicomane bi en tant que psychosociologue, psychothérapeute. C'est en ce moment psychothérapeute bobu mo gëna mëna dimbali toxicomane bi, parce que un accompagnement à long terme. Moi j'ai visité beaucoup de structures au Portugal, en Belgique, en Italie, en Suède, mais surtout bi nga xamné moma gën impressionné moy bima visité en Belgique à Châtelet. Je vois mo ngi tudd trampoline. C'est une communauté thérapeutique où on aide les gens à arrêter, mais on peut les aider, c'est des périodes de 6 mois, des périodes de 2 ans, des périodes de 3 ans. C'est vraiment des structures qui accompagnent l'individu ba mu duggé ci bir b à la réinsertion, c'est-à-dire on lui prépare à la réinsertion, on lui donne des outils qui lui permettent après mo mu jël en charge bopom pour aller vers la réinsertion, parce que effectivement nit ki nga xamné amuñu doole yoy peut-être wa ñun amuñu doole mais mën nañ ko adapter par exemple j'ai visité ben centre bu tudu Phoenix parce que quand moi j'ai visité toutes ces structures là je me disais qu'est-ce que nous on peut mettre en place chez nous et quand j'ai rencontré Martien Koyman qui est un Hollandais qui dirige une communauté thérapeutique c'était dans le cadre de communauté thérapeutique manam ñi nga xamanteni dañ koy jëfëndiko ba affaire la leen ñu bool leen xel leen way affaire ñu ngi ci assistance voilà c'est ça la communauté auto-assistance là c'est les usagers qui aident d'autres usagers sous la direction d'animateurs yi nga xamné ñoo leen ci jappalé donc quand j'ai visité je me suis rendu compte que effectivement nous on n'avait pas de moyens moi Sam Jacques ce que j'ai voulu faire c'est dire j'ai dit qu'est-ce que je peux faire moi pour avoir comme ça j'ai dit je peux pas avoir une structure bo xamné mën na di interner nit ñi parce que effectivement awuma ko mako jox mais après j'ai découvert en Belgique ben structure bu tudu Phoenix type hôpital du jour là c'est-à-dire Wow. Tout ce qui se fait dans la communauté thérapeutique, eux ils le font, mais ils commencent à 8h, ils finissent à 18h. Après toxicomane bi ñi bi kërëm pour revenir le lendemain mais il y a tout en tout cas des outils qu'ils mettent en place pour même ci guddigi ñu mëna surveiller waaji mo di xam ci lan la nek et il y a vraiment une relation de confiance qui s'installe et tout un accompagnement qui se fait au bout d'un an au bout de deux ans ça dépend du cas pour un peu aider ces gens là à arrêter ça c'est possible de le faire mais je pense que problème bi fi muy amé rek moy ñun amuñu ay subvention mais aussi parents yi amuñu moyen parce qu'il faut qu'ils mangent sur place fa la ñu ndéké fa lañuy agné fa lañuy sango donc yoyu ay moyens la laaj pour que nga mëna def lolu mais je dis c'est il y a des outils il y a des structures qui peuvent être mises en place avec rien avec des moyens très modestes et qui peuvent vraiment aider et je pense que su ñoyu ñëwé en appoint ces pierres bi nga xamné installé nañ ko fi on peut vraiment avoir de bons résultats dans la prise en charge mais je pense que buñ fi téggé ces pierres bi rek on risque d'avoir des problèmes donc il faut vraiment quelque chose autour de ces pierres là et c'est ça qui va nous aider à maximiser les résultats yi nga xamné mom lañuy am ci prise en charge ah concrètement bi nek na lo xamanteni lolu mom lu am lu am solo la parce que ñaari structure baxna waye amna yeneen pexi tamit di ñu wara defaat tout à fait ci ci est-ce que ci pexi yoyu wara ñu ci bolé approche traditionnelle nga xamanteni peut-être ñom bu ñëwé ñu waxtaan ci seen biir ñu andi ben traditionaliste wala ben ko xamanteni mën na leen waxtaanal ci ci valeur sociale yek ak ñu yépp way lolu am solo la que ce soit un imam que ce soit un évêque que ce soit un traditionnel en tout cas nit ko xamne dana andi valeur africaine pour man ko lolou man na don ki nga xamne day intervenir ci biir structure yoyu ma wax parce que ci biir structure yoyu espace de dialogue bi dafa bari c'est-à-dire ci biir structure yoyu il y a beaucoup d'espace de discussion et ci biir espace de discussion man nañ ci dougal imam bi man nañ ci dougal évêque bi man nañ ci dougal en tout cas traditionnaliste bobu pour mu am aussi mom moment bo xamne dana discuter ak ñi nga xamne parce que ci biir structure yoyu le médicament c'est vraiment la parole waaw le médicament c'est vraiment la parole et le soutien entre usagers et c'est ça aussi qui fait l'originalité de cette approche là donc je pense effectivement que ces gens là ont leur place parce que dama gëm ni il faut que ñu déllo aussi valeur yoyu nit ñi xam ñoy ñan parce que d'habitude ñi koy def ñu rër lañu mais il faut vraiment ñu ramener len pour ñu mëna nekk ay nit mais peut-être yeen di ngeen def ay Diego pour dem ci association des imams de la zone les c'est un traditionnaliste gem waxtan ak ñom pour lolu mën am am au moins un centre d'essai bo xamanteni dinañ ko mëna gis je pense ci sama gis gis amna ben structure bu mel bo xamné yakarna ni si les gens en tout cas sont fins ils peuvent mettre quelque chose comme ça ko xamné day ñu en appoint par rapport à la structure CPIAD bi moy centre bi ni tabakh à Darou Mohti il me paraît ça que paraît là je pense que ce centre là il faut pas en faire une structure sanitaire il faut en faire une structure d'approche communautaire psychothérapie bi upp fofu plutôt que médical bi c'est pierre bi djel aspect médical yi aussi psychothérapie dana am ces pierre bi mais ñu gëna renforcer lolu au niveau de cette communauté bi nga xamné ñu ngui tabakh au niveau de Darou Mohti je pense que approche communauté thérapeutique bi fofu le gënon adapté par rapport ak fenen je sais pas ce qu'ils vont en faire mais moi mon idée c'est qu'il faut créer un dialogue il faut créer des espaces de discussion des espaces d'échange pour que fofu au niveau de Darou Mohti qu'on mette en place un bon programme thérapeutique mais dans une approche communauté thérapeutique. Mais est-ce qu'Ablaye, je pense que c'est possible. Est-ce qu'Ablaye yeneengi xol sen natango yu nek dans la sous-région, parce que problème bi ñun tamit ci sous-région bi war nañ ci xol peut-être ben exemple xam peut-être dañu mëna jëriñ. Moi j'ai visité une communauté thérapeutique au Cap Vert. Cap Vert gi suñu Cap Vert visité na fa communauté thérapeutique dans le, en tout cas dans la presque même approche que yima visité à en Belgique voilà en Italie. Waaw, amna ci résultat ñu dem ci premier. Moi je après je ne me suis plus j'ai plus idée, mais moment bi nga xamné mu ngi doon bëgg ibi, c'était vraiment à l'occasion d'un atelier que je faisais là-bas dans le cadre du LEN West Local Expert Network, West African Net Local Expert Network. On a fait un atelier là-bas et après quand on visitait les sites, on nous a amené dans cette communauté thérapeutique là où on a visité, et j'ai vu qu'il y avait du premier accueil à la communauté thérapeutique jusqu'à la réinsertion, c'était vraiment toute la chaîne qui était installée. Maintenant je ne sais pas ce que c'est devenu. On m'a dit aussi qu'au Togo il y aurait un centre, en tout cas un centre de prise en charge. Boumel Non quoi? Non, pas Boumel Non. Je ne sais pas vraiment le centre qu'il y a au Togo, parce qu'il paraît que l'ONUDC m'ont aidé pour nous mettre en place fofu. Mais à part ces deux là je ne sais pas ndax amna fenen. Sinon dans les différents pays on développé la prise en charge à partir des centres psychiatriques. Centres psychiatriques ñoy jël en charge avec les médecins psychiatres. Sauf qu'aujourd'hui l'innovation que le Sénégal a apporté par rapport à CPIAP bi nga xamné mom tek nako fi, ça aussi c'est une innovation. Peut-être que les autres pays vont venir nous voir pour voir ce qu'on fait dans ce CPIAP là pour un peu aller vers la mise en place d'un CPIAP chez eux, parce que c'est un centre intégré, c'est une approche intégrée, c'est une approche assez diversifiée où il y aura des médecins, où il y aura des sociologues, où il y aura des psychologues, mais aussi où il y aura des communautaires, et même des usagers de drogue vont intervenir pour aider d'autres usagers de drogue à faire ce travail là. Mais lolu la fa laaj yeen tamit ngeen di jot subvention, parce que également li nga xamanteni moy mbir mi modine mëno wax ni société civile bi na taxaw té société civile tam il faut ñu am ku leen jappalé quand même. Non seulement société civile bi dañu wara am subvention, mais dañu wara faciliter ay formation pour acteurs société civile bi, parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'intervenants ci société civile bi, c'est pas évident que ñepp am nañu compétence bi nga xamné mom mo war pour ñu def liguey bi nga xamné mom lañu wara def muy ben. C'est pas évident aussi que ñepp am nañu espace bi war pour ñu def liguey bi nga xamné mom lañu wara def. Tout ça c'est des, en tout cas c'est des contextes, et c'est des, en tout cas c'est des besoins que la société civile a pour pouvoir faire correctement son travail. Autrement c'est des gens qui vont, en tout cas essayer de faire, que c'est, ils vont être des activistes, ce que moi j'appelle des activistes. Ils attendent des moments, soit semaine nationale pour bouger, et après ñu tadat nelaw be benen am wala ñu am ben cas bo xamné ñew na ñu jëm ci dara sans avoir la compétence qu'il faut, et je pense que ça c'est pas bon. Peut-être même ça crée plus de problèmes que ça ne règle des problèmes. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal ne doit pas être liguer ci ay réaction rek quoi. Mais ci sama gis, il faut avoir une vision claire avec une approche cohérente pour liguer ci li nga xamné moy xex drogue bi. Mais apparemment, j'ai l'impression que ce n'est qu'au niveau de la répression qu'il y a cette cohérence là. Mais sinon le reste, la répression, c'est pas cohérent. C'est liguer wax deug Yalla, ñom ñi def sen liguey, mais amna leneen lu ci bok. Kon ñeneen ñi tamit war nañ ci ki. C'est important. Le ministère de la Santé war na, je ne sais pas, xol ben formule ak yeen ak peut-être collectivité locale comme que dans quartier il faut ñu ki leen pour essayer de ñu jappalé leen. Mais les collectivités locales ont un rôle important à jouer, parce que xam nga ñun coalition yi ñi tek dimension collectivité locale, c'est-à-dire on les met à Djibé Thiaré, commune d'arrondissement de Djibé Thiaré, c'est-à-dire c'est pour te dire que proximité la laaj. On les met pas dans un espace de plus de 160 000 personnes. Sous EP 160 000 personnes, c'est pas bon. Espace Inquédep, c'est au maximum 160 000 personnes la wara am. C'est pour te dire vraiment que proximité bi wara am. On l'a mis à Djibé Thiaré, c'est vraiment dans la commune d'arrondissement de Djibé Thiaré. On l'a mis dans la commune d'arrondissement des HLM, et on est aujourd'hui en train de travailler pour le mettre à partir de 2015 dans la commune d'arrondissement de Biscuiterie, parce que nous pensons effectivement que les collectivités, parce que quand nous, c'est un temps d'accompagnement. Nous, le temps d'accompagnement qu'on fait, c'est qu'on donne une formation. C'est avec des Américains qui donnent la formation sur le fonctionnement d'une coalition. Nous, on donne la formation spécifique sur les drogues, la prévention des drogues, comment sensibiliser, comment animer une causerie, qu'est-ce qu'il faut donner comme information, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ceci ou cela. Mais après, il y aura un moment où nous, on va se retirer. Si nous, on se retire, s'il n'y a pas la collectivité locale, on pense que vraiment ça risque de... Bon, ñum yëngatu. Nous on passe en tout cas par les collectivités locales. Fa ngeen jaaré mais ñu lañuy jaaré. Ñom ñom xam nañu dañu war yëngatu. Oui, je pense qu'ils vont comprendre, il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent. Il y en a par exemple au niveau des HLM. Je sais que suñu coalition bi amna activité biñ doon def, ils ont vraiment été soutenus par le maire. À chaque fois que ñuy def suñu ay formation, c'est le maire bi da fay yoné nit. Bon, je pense que vraiment ils commencent à prendre conscience que problème. Mais quand on est allé aussi à Biscuiterie, quand on a demandé à rencontrer le maire, il nous a vraiment facilité la rencontre. Et quand on venait venu pour le rencontrer, il a appelé, en tout cas amna ben courriel bo xamné wona len moy conseil de quartier liñ tuddu conseil de consultatif de toute la commune d'arrondissement de Biscuiterie parce dafa warona réunion ak ñom mune len légui mune ñu heure bi nga xamné mom la warona réunion ak ñom ci la profito woñu pour ñun tam ñu mëna dajé ak ñom. Et je pense que ça manifeste quand même d'une volonté de du maire à vraiment en tout cas s'impliquer dans ce travail. Et il nous a vraiment donné son engagement à s'impliquer ci li nga xamné moy ligéy bi. Adjidé Tiareka aussi à un moment le maire Diouk était très impliqué. Il n'est plus maire. Mais quand dernièrement on faisait la formation, il est venu rendre visite en tout cas à nos autres pour voilà du cette fan lañu tollu ci affaire bi. Et on m'aurait dit aussi que le nouveau maire, il en tout cas demande régulièrement fan ngeen tollu ci coalition yi nakala démé. Et je pense que tout ça ça manifeste des volontés, une certaine volonté. Yakarna lolu am solo la, mais yakarna lu gëna am solo moy surtout li nga xamanteni moy li nga wax comité interministériel bi ñu gën ko may doolé. Mais tout à fait. Man défé na comité interministériel quand à l'époque c'était le PNUSSUD mon mettre en place comité interministériel boba à l'époque à l'UFDA du Côte d'Ivoire il y avait Moëlé mon fa nékon comme directeur. Quand moi je faisais ma formation au niveau de ce centre de formation là Binek Grand Bassam, c'est en ce moment que les gens ont défini en tout cas les protocoles sinon les termes de référence des comités interministériels. Et moi je suis de ceux qui pensent et je le sache, c'est vraiment dommage parce que niñ ko définiré won comité interministériel il fonctionnait tout le nonou parce que moi dama don wër document bi pour un peu le montrer. J'avais le document bi nga xamné moy terme de référence comité interministériel. Et dans ces comités interministériels, il était prévu de que tous les ministères bokk d'abord, mais aussi que mu am ay commission yu bari ci bir comité interministériel. Il y avait des gens de la presse qui étaient formés, il y avait des pharmaciens qui étaient formés, il y avait des policiers qui étaient formés, il y avait des gens de ONG qui étaient formés, il y avait des gens de la justice qui étaient formés. Et tous ces gens qu'on avait formés là, c'était des acteurs yo xamné waron nañ intervenir ci comité interministériel. Mais malheureusement aujourd'hui, tous ces gens qui ont été formés là, ils sont perdus. Parce que ken gisatu len bi ñu mëna jouer rôle ci bir comité interministériel wala amulone suivi. Et je pense aujourd'hui comité interministériel niñ len définiré on composition bi ak yoy yeb c'est un peu dommage que lolu yeb amatul. Mais quand même il faut souligner que ñu nek aujourd'hui ci niveau comité interministériel ils sont en train de se battre pour essayer de faire quelque chose. Mais je dis on peut pas arrêter la mer avec ses bras. Jerejef Abdoulaye yaakar na ni waxtan bi mënu ñu ko wël parce que c'est un phénomène essentiel dans la société. Mu nekkone Abdoulaye Diouf sociologue nek gestionnaire chargé des programmes centre Jacques Chirac bu Thiaroy ñun waxtan tay ci mbirum drogue bi nu mu duggé ci réew mi jafé jafé yu muy indi naka lañ ci wara taxawé ak ku nekk dal war ci indi sa wall ngir rek ñu xol naka lañuy baré mbir mi ndax té buñ ko bayé mu law choono yi rek lay jokk surtout rawati na ci ndaw ñi ak ëllëgu réew mi lool lepp nekk na lo xamni mom lañ doon bëgg waxtan jéxul sax amna yeneen patch yo xam mënu ñu ko ci volé mais Allah benen ñu gën ko yaatal ñu gërëm ko baax mu Abdoulaye Diouf ci micro bi Amadou Salif Tall ci walu xaralé Pap Abdoulaye Dieye ak Ismaïla Marcel Koli mën ngeen dégluat émission bi inshallah dimanche de 15h à 16h ci Sud FM sen radio